On est à Bozy, au Bozy Festival, avec le groupe Yeti. Donc le groupe Yeti, un groupe punk rock d'Orléans. Je vais vous laisser vous présenter parce que je crois qu'il y a eu un petit changement dans le line-up. Alors on commence par qui? Par Seb, par Laurent? L'ancien. Alors moi c'est Laurent, je suis bassiste de Yeti depuis 2011 quoi. Déjà ouais. Depuis la création de vraiment de Yeti quoi. Donc Laurent à la basse, à la guitare et au chant. Donc Seb, bah, je suis aussi un ancien, ça fait 10 ans que je joue avec Laurent, 9 ans maintenant. Et on est parti sur un groupe qui s'appelait Ascanix, c'était la fin d'un groupe. Et c'est comme ça que ça a permis de nous rencontrer. Et puis nous on voulait quelque chose de un peu plus dur comme musique, un peu plus revendicatif. Et du coup on était assez d'accord pour s'engager sur un côté plus punk. Et le dernier arrivé dans le groupe, je te laisse te présenter. Bah Hervé à la batterie, donc membre des Yeti depuis ce soir. C'est le premier concert en tout cas. Ouais. Et on s'est... Ah bah très bien, moi je me sens très bien, j'aime bien jouer avec ces deux loulous, j'aime bien l'univers musical. Ça me plaît beaucoup, ouais. Ça me plaît. T'avais joué dans d'autres groupes avant Yeti ? Oui, j'ai fait quelques groupes avant, mais pas plus que ça, quoi. C'est pas si longtemps que ça que j'en fais, que je suis là. Eh bah, très bien. Alors, quand on a un groupe comme Yeti qui joue plus de 30 concerts par an, hein, j'ai vu ça avant la période forcément qu'on connaît tous, comment s'est passé le confinement pour vous trois, ces 3 mois de confinement ? En fait, c'est bien tombé, puisque notre ancien batteur ne désirait plus continuer. Donc finalement, ça nous a permis de pouvoir faire, on a fait des petites annonces, et puis en fait, c'est pas relationnel finalement qu'on a trouvé Hervé qui timidement s'est commencé à dire « bah moi je serais bien intéressé par la place ». Mais du coup, vous avez fait des répétitions via les plateformes vidéo, vous avez fait... Non, on a absolument pas de... On a peut-être chacun joué dans son coin, je sais pas pour les autres. Mais non, on n'a pas fait de... Non, on n'est pas très... Pas très musique virtuelle, enfin en virtuel, ouais. Je veux dire, non, on n'a pas fait du coup. On a attendu la fin du déconfinement, là, pour, enfin la fin du confinement plutôt, pour commencer les répètes. Quoi, le 11 mai. Semaine, ouais, le 11 mai, on avait le droit de sortir, le 11 mai, on faisait une première répète. Quoi. Et vous avez suivi des artistes, parce que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de groupes ou d'artistes chez eux qui ont fait des lives. Vous avez suivi quelques-uns je dirais qu'il y en avait trop quoi, au début je trouvais ça sympa et puis après ouais. Après trop quoi donc beaucoup s'y sont mis quoi. J'ai bien aimé une reprise d'un groupe qui s'appelle EDEC qui on a déjà joué quelques fois et ils ont fait une très bonne reprise et c'est vrai comme dit Laurent il y avait tellement de moments qu'on était un peu noyé sous les vidéos et faut avec nous c'est pas notre trip de jouer comme ça en virtuel. Nous ce qu'on aime c'est le contact humain au sens large, quand on est là et puis on échange les bonnes vibrations. Depuis le déconfinement, vous avez donné d'autres concerts parce que j'ai vu sur votre page Facebook que vous avez joué au mois de juin. Oui. Ouais, vous avez fait d'autres concerts donc depuis la fin du confinement. Bah, on a fait donc un concert au mois de juin à Angers dans le Loir-et-Cher, là, pas loin de Montrichard. Visiblement, on peut jouer bien dans le Montrichard, dans le Loir-et-Cher, on peut jouer plus qu'ailleurs. On n'a pas joué avec Hervé parce qu'il n'était pas encore prêt. Ouais. On a joué avec Xavier, un batteur avec qui on avait déjà joué. Xavier qui est sur Blois, qui joue dans plusieurs groupes, qui était avec les Sharpers, le batteur des Sharpers. Ancien batteur, oui. Et voilà, oui, donc c'était une petite reprise, bon, mais après il a fallu encore attendre un peu avant de recommencer, parce qu'on devait jouer fin août, on avait quelques dates fin août, mais ça a été annulé aussi. Début septembre aussi. On avait aussi une date début septembre à Donnery, bon. La mairie a paniqué un petit peu, on leur en veut pas, hein. on comprend tout à fait. Et du coup, c'est enfin, aujourd'hui, 12 septembre, on a pu se tester dans des conditions réelles avec Hervé et on est vachement contents.